premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire que nous allons consacrer à la prostitution à l'occasion de la grande exposition qui vient d'ouvrir sur ce thème au Musée d'Orsay à Paris et dans laquelle nous nous promènerons mercredi. Mais auparavant, Séverine Yattard et Séverine Cassard vous conduiront demain en compagnie de l'historienne Lola González-Quirano dans le Paris de la prostitution au XIXe siècle, du Palais Royal au Grand Boulevard. Et aujourd'hui, en deuxième partie, nous recevrons avec Séverine Yattard qui a préparé cette semaine avec nous l'historienne Gabrielle Oubre qui a dirigé un collectif sur ce thème publié en parallèle au catalogue de l'exposition du Musée d'Orsay. Et en première partie, que me direz-vous ? Eh bien, nous allons évoquer le dernier numéro d'une revue donc que nous aimons bien à la Fabrique de l'Histoire, la revue Terrain, un numéro consacré à la nostalgie. Nous recevons Christine Langlois, qui a dirigé Terrain depuis sa création en 1983, et l'historien Gilles Bartholins, qui a participé à ce dernier numéro. Mais tout de suite, comme chaque lundi, en ouverture de l'émission, un nouvel épisode de la Fabrique de la Guerre froide, concocté aujourd'hui par Anaïs Quien et Anne Fleury. Aujourd'hui, le procès de Nuremberg avec Valérie Pratt, qui a consacré une thèse de philosophie du droit à ce thème. We must remember that Australia, New Zealand and Canada President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb. I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy. La fabrique de la guerre froide. Le 20 novembre 1945 s'ouvre le procès de Nuremberg chargé de juger les crimes nazis. Pendant près d'une année, ce tribunal militaire tente d'inventer une justice internationale. Ici Pierre Crenez qui parle de Nuremberg. Le 20 novembre 1945 à 10h, Lord Justice Lawrence, Lord Justice de la Cour d'appel d'Angleterre, en ouvrant le dossier des criminels de guerre, posait la première pierre d'un droit nouveau, appelé à donner à l'homme des responsabilités humaines et aux États des devoirs vis-à-vis de la communauté internationale. Dans la grande salle rectangulaire du palais de justice de Nuremberg, les 21 criminels de guerre ont pris place dans le box en ce 20 novembre 1945, derrière leurs avocats, face aux 8 juges. I will now call upon the defendant. Le président, Lord Justice Lawrence, parle. Je vais maintenant demander aux accusés de plaider coupable ou non coupable des accusations portées contre eux. Ils viendront tour à tour dans le box devant le microphone. Hermann Wilhelm Göring. Göring se lève. Il a maigri et des poches alourdissent ses yeux. Il pose sur son siège la couverture qui lui chauffait les jambes et passant devant Hess, Ribbentrop et Keitel, s'avance vers le micro. Avant que la question de savoir si je suis coupable ou non coupable, le président l'interrompt. Les accusés n'ont pas le droit de prendre la parole. Ils doivent simplement répondre à la question coupable ou non coupable. Dans ces conditions, je plaide non coupable, dit Göring. Ce qui m'a frappé, c'est que Göring dit, une fois qu'il a entendu l'acte d'accusation, « Im Sinne der Anklage nicht schuldig » et le traducteur, je crois que c'est Pierre Crenez, se traduit « Dans ces conditions, je ne suis pas coupable ». Valérie Pratt. Alors que si on veut être rigoureux, Göring dit « Au sens de l'acte d'accusation, je ne suis pas coupable » et ça pose d'emblée le problème de savoir si on est en face d'une justice de vainqueur et si le droit qui s'applique sera un droit rétroactif. Alors l'acte d'accusation comporte... quatre chefs d'accusation, eux-mêmes adossés aux trois crimes qui sont poursuivis à Nuremberg, à savoir le crime contre la paix, le crime d'agression, le crime de guerre et le nouveau crime, qui est le crime contre l'humanité. Quel est l'objectif, finalement, de ce grand procès qui va durer près d'un an ? Les objectifs sont multiples. Tout d'abord, ne pas répéter le fiasco de la fin de la Première Guerre mondiale, où on avait été incapable de juger les criminels de guerre. On n'a pas su créer une justice internationale. On n'a pas su non plus juger les criminels responsables du génocide des Arméniens. Ensuite, il s'agit aussi d'instaurer un nouvel ordre mondial. Le procès de Nuremberg prend place juste après la création des Nations Unies, dont la charte va entrer en vigueur au moment du procès. Et Nuremberg joue un rôle, si j'ose dire, négatif, répressif, pour mettre bien l'accent sur le fait que dans la nouvelle ère à venir, il ne faut plus que de telles guerres soient possibles, il faut qu'on puisse poursuivre les criminels. Au-delà de tout ça, au-delà du droit pénal, du droit international, il y a aussi un enjeu civilisationnel. Il s'agit de se donner les moyens de surmonter la rupture civilisationnelle dont a été coupable l'Europe avec cette guerre mondiale. Elle a précipité le monde dans la guerre. Il s'agit maintenant d'essayer de diriger le monde vers la paix. Et à ce moment-là, on sait déjà que ça va être difficile, étant donné que les prémices de la guerre froide se manifestent déjà dans le prétoire de Nuremberg. Sous quelle forme ? Alors, sous diverses formes, il y a eu des étincelles entre les délégations américaines et soviétiques au moment de la rédaction du statut de Londres. D'une part, on n'était pas d'accord sur certains des attendus. Ensuite, au procès même, on sait que le massacre de Katyn, commis par les forces russes, les forces soviétiques, sur les officiers polonais, avait été mis dans l'acte d'accusation pour en faire porter le chapeau aux nazis. Or, tout le monde savait que ce n'était pas vrai. Donc, on a fait disparaître purement et simplement du jugement final la question de Katyn. Tout de même qu'on n'a pas voulu trop parler du pacte germano-soviétique et de sa clause secrète concernant la Pologne. Et ce qui est fondamental, c'est que Nuremberg demeure la référence quasi absolue, en tout cas incontournable, en ce qui concerne la justice pénale internationale telle qu'elle se constitue bon an, mal an, depuis la fin de la guerre froide. Car la guerre froide a eu pour effet qu'on n'a pas été capable de pérenniser Nuremberg, qu'on n'a pas été capable de transformer le tribunal de Nuremberg en une cour internationale. Bien qu'il y ait eu des tentatives et que la convention du 9 décembre 1948 contre le génocide prévoit l'institution d'un tribunal international, ça n'a pas pu voir le jour à cause des divisions entre les grands. Et le mur de Berlin tombant en 89, c'est dans les années 90 que des juridictions pénales internationales bien connues, instituées par le Conseil de sécurité en 93 et 94, le tribunal concernant l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international concernant le Rwanda, seront instituées. Nouvel épisode de La Fabrique de la Guerre Froide, signé Anaïs Quien et Anne Fleury. Vous pouvez bien évidemment le télécharger séparément du reste de l'émission, de l'émission de ce jour et des autres émissions, pour garder avec vous ces épisodes successifs de ce feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide. Bonjour Séverine Yatta. Bonjour. Et bonjour à vous, donc à la fois Gilles Bartholin et Christine Langlois. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Qu'est-ce qui se passe alors pour Terrain ? Il faut peut-être alors rappeler, avant de parler de la disparition, comment elle est née. Ah oui, c'est ce que vous faites à la fin d'ailleurs de ce numéro, voilà. 65 de, voilà, la revue Terrain. Oui, tout à fait, avec un peu d'humour, certains l'ont fait d'ailleurs. Oui, en fait, elle est née dans un contexte particulier, puisque c'est une revue créée au sein d'un service central d'un ministère, ce qui n'est pas du tout le cas des autres revues de sciences humaines. Mmh. Parce qu'en 1980 a été créée une structure pour financer des recherches sur le patrimoine ethnologique français. Et appliquer à la France des recherches d'ethnologues telles qu'elles se font sur d'autres sociétés plus lointaines à l'époque. Très vite, les chercheurs qui ont participé à ces appels d'offres thématiques ont voulu voir les résultats. Donc on m'a demandé de créer une revue en 1983. Donc c'était à la fois un lieu à part qui avait d'énormes avantages, parce que c'était pas lié à une école, à une université, à un laboratoire, avec des auteurs presque obligés parfois. Mm-hmm. C'était vraiment une liberté totale d'aller piocher tous les auteurs là où on le voulait. Avec une constante de thématique. une constante de thématique, puisqu'on a commencé par des appels d'offres thématiques. Donc j'ai gardé cet aspect de thème, puisque ce sont toujours des numéros de commande, des dossiers avec des articles de commande. C'est comme réaliser un livre collectif, c'est pas des articles juste qu'on reçoit. Donc voilà, donc ça, on a gardé le côté thématique avec à côté quand même des variables. Avec, pour ceux qui ne l'ont jamais eu en main, une qualité graphique assez exceptionnelle. Ah, je pensais qu'étant à la culture, on se devait de faire aussi un objet beau, pas seulement scientifique, mais beau. Donc voilà, j'ai toujours eu à cœur d'avoir des graphistes professionnels et d'illustrer de plus en plus, en fait. Et Christine Langlois, du coup, comment vous situez-vous, enfin, au moment de la création dans les années 80, par rapport aux autres revues, d'ethnologie, je pense à l'ethnologie française qui est plus ancienne, hein, que la revue Terrain, les cahiers d'études africaines, bon, qui est un peu spécifique parce que études africaines, il y a la revue de l'homme également, il y a, enfin voilà, qu'est-ce que vous étiez dit, enfin, vous parlez, hein, à la fin du numéro, un petit peu des glissements de terrain, donc, une ethnographie folkloriste plutôt franco-française à une ethnographie plus ouverte, plus large, avec des auteurs aussi, qui viennent de l'étranger, des thématiques qui sortent un petit peu, J'avais travaillé, juste avant d'être recrutée par le ministère, j'avais travaillé au laboratoire d'anthropologie sociale avec Isaac Kiva. Et donc, je baignais dans un milieu d'anthropologues travaillant sur les domaines dits exotiques à l'époque. Et il y avait la revue L'Homme, notamment. C'est le laboratoire qui avait été créé par Lévi-Strauss et donc dirigé ensuite par Isaac Kiva. Voilà. Et donc, je baignais dans... Et je m'étais aperçue que les gens travaillant sur la France, qui étaient plutôt souvent issus d'une formation... type le roi Gourand, plus sur le folklore, etc. C'était leur formation au départ, beaucoup, étaient finalement assez séparés de ceux qui avaient, dans la suite de Lévi-Strauss, travaillé sur les sociétés plus lointaines. Et que les uns ne lisaient pas toujours les autres et ne rencontraient pas toujours les autres. Et en fait, j'avais comme idée fixe d'avoir une revue qui traite certes de la France, puis de l'Europe, puis un petit peu des aspects comparatifs ailleurs, mais qui soit dans les thèmes et dans la mouvance de ce que faisait l'anthropologie en général. Voilà, donc c'était un peu mon but, c'est de créer un pont entre ces deux domaines. Et puis un pont aussi, vous dites, entre le terrain et la réflexion. Le terrain et la théorie. Ah oui, enfin, voilà, il y a toujours s'appuyer sur des recherches de terrain, voilà, d'où le titre, et d'aller plus au-delà de la simple description d'un terrain, bien sûr, avec une interprétation. Ça n'est pas dommage de parler de cette revue à l'imparfait ? C'est triste, et en même temps, je pense que, en fait, voilà, donc j'avais commencé par dire, c'est dans un ministère, et le risque d'un ministère, c'est que la politique d'un ministère évolue, et que si il y avait beaucoup d'argent dans les années 80 pour financer ces recherches, il y en a eu de moins en moins, que la mission du patrimoine ethnologique qui comprenait 16 membres, plus des membres dans la moitié des directions régionales, c'est extrêmement rétréci. Donc maintenant, elle fait partie d'un service qui s'appelle le département de la politique de la recherche. Il n'y a plus que deux personnes vraiment qui s'en occupent, les publications étant un peu à part. Donc il y a moins d'argent, il y a moins de postes. Et je pars à la retraite je suis partie. Depuis deux jours. Mon anniversaire, 65 ans. Et du coup, mon poste n'est pas remplacé. Et le fait que la revue soit devenue une revue de sciences humaines ouverte ne correspondait plus du tout. L'écart s'était creusé entre un patrimoine, une notion de patrimoine qui s'était rétréci, après s'est élargi, rétréci à quelque chose de plus classique, et une revue qui s'était élargie aux sciences humaines. Donc ça fait plusieurs années qu'on me demandait de travailler un peu plus sur le patrimoine. Moi, je pense que... Encore, voilà. Il fallait faire de l'anthropologie au sens large. Et voilà. Et personne ne peut reprendre un tel projet. C'est ça qui est étonnant, parce qu'on peut dire, voilà, on peut passer d'un éditeur à un autre éditeur quand on est un auteur, on peut passer d'un éditeur à un autre éditeur quand on est une revue. Et là, d'un seul coup, parce que tout se rétrécit, parce que vous avez le bonheur de prendre votre retraite, on voit disparaître une revue qui compte dans le paysage de l'ethnographie. Vous avez raison. Beaucoup regrettent cela. Donc, il y a une petite fenêtre, il y a une possibilité, qui pour l'instant n'est qu'une possibilité, mais que la revue soit reprise par des gens plus jeunes, ce que j'aimerais beaucoup, qui est dynamique, qui ont envie aussi de faire une revue, à la fois papier et Internet. Parce que c'est un titre, et on pourrait presque dire que c'est une marque, même si cette marque... Oui, et on est prêt tout à fait à le céder, à céder la marque, si vous voulez, gracieusement, à tout projet qui nous paraîtrait viable. Donc il y a une possibilité en ce moment, mais c'est beaucoup trop tôt pour en parler avec certitude. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que, sans même le vouloir, j'imagine, vous avez donc titré votre dernier numéro, le 65, sur la nostalgie. Ça, voilà, ça fait 2 ans que David Berliner, membre de notre conseil de rédaction, nous avait proposé ce thème. C'était pas en oiseau de mauvais augure, pas du tout. C'est lui qui travaille sur ce thème depuis longtemps. Et on l'avait fixé pour le numéro 65, sans savoir à l'époque du tout que ça serait le dernier, puisque ça, on l'a appris il y a 1 an seulement. Mmh. Voilà, donc ça tombait très bien, dirais-je. Et vous, donc Gilles Bertolas, vous êtes historien, ce qui fait partie aussi de la revue Terrain, c'était d'inviter des historiens, des sociologues, des philosophes, des psychologues. Et là, vous proposez un article sur la question des photos vintage, des photos qui sont vieillies, et vous expliquez un petit peu pourquoi nos sociétés, même les plus modernes, sont, adorent justement ces vieillissements de photos. Oui, alors évidemment, c'est une pratique qui devrait moins intéresser l'historien que l'ethnologue, voire l'ethnographe, puisqu'elle est très récente. Au fond, avant 2010, c'est plus ou moins impossible de simuler numériquement l'imperfection argentique de la photo amateur des années 60, 50, 80. Donc, c'est surtout par la réunion ou les carrefours des thématiques, notamment la nostalgie, comment la nostalgie ne peut pas concerner un historien, que je suis intervenu à l'invitation de David Berliner dans ce numéro. Et effectivement, la photographie, pour reprendre les choses à leur base, a la réputation d'être un médium nostalgique. Mmh. C'est une réputation ou c'est une... Bah, c'est son usage social, voilà. Voire artistique, voire intellectuel. Hein, Roland Barthes, dans La Chambre claire, évidemment, insiste sur la puissance de résurrection, de représentation de la photographie. On connaît bien ces mots, notamment de Susan Sontag, qui dit que la photographie donne une vision romantique instantanée du passé. Du coup, évidemment, ces filtres rétro, juste peut-être une petite parenthèse pour spécialistes, mais qui est bienvenue dans le champ des amateurs, c'est que... Le rétro, au fond, c'est du neuf, faire du neuf avec des formes anciennes. Et le vintage, c'est la reprise, le réemploi, le réusage d'objets anciens. Donc on est effectivement dans du rétro, pas dans du vintage. Et ces filtres qui apparaissent dans les années 2009, 2010, surtout 2011. Et que quasiment tout le monde a aujourd'hui, enfin, ceux qui possèdent un smartphone. Qui non seulement sont intégrés aux appareils, aux smartphones, mais aussi maintenant à certains réflexes où on peut choisir des filtres de couleurs différentes, qui désaturent, qui vignettent. Des grattages sur la fausse pellicule, puisqu'il n'y a plus de pellicule, des effets de lumière, comme lorsqu'on avait laissé l'objectif ouvert trop longtemps et qu'une partie de la photographie était surexposée tandis que l'autre était sous-exposée, ou encore du noir et blanc, tout simplement. Tout à fait. Parce qu'effectivement, ça simule non seulement la vieille photo, mais la photo vieillie. Donc, quand c'est écorné, quand c'est vignetté, quand c'est désaturé, tout ça est pris en considération. Donc, il y a une sorte de simulacre de la matérialité de la photographie. Et ces filtres, évidemment, redoublent, provoque ce que déjà la photographie faisait une fois que du temps s'était écoulé entre nous et la photographie qu'on revoyait. Alors mon enquête, elle a porté essentiellement sur des bases ou des banques d'images comme Flickr par exemple, qui donnent à voir des millions, voire maintenant des milliards de photographies. Donc en croisant des mots comme nostalgie plus ces noms de petites applications Instagram, Ipsamatic, pour reprendre les deux les plus importantes, eh bien on voit que ces photos qui traitent de sujets intimes, les vacances, l'enfance, etc., incitent, dites-vous, quasiment naturellement à les traiter sur ce mode rétro. Vous dites voilà, c'est une photographie. Les vacances, la vieille maison de famille où l'on retourne, et tac, on met un filtre pour montrer que le passé est là en même temps qu'on y est. Absolument. C'est-à-dire que c'est une photographie opportuniste. On a une émotion nostalgique qui va inciter à prendre une photographie selon la modalité de la nostalgie visuelle. Et donc on donne à cette photographie le rôle de rejouer une nostalgie, mais aussi de la transmettre aux autres. Alors évidemment, certains diront que la transparence de l'objet pris dans la photographie étant annulée par cette espèce de cosmétique, il y a un conflit entre l'expressivisme de la photographie et puis cette transparence qui normalement est au cœur de la puissance nostalgique du médium. Alors, il y a cette question des photos rétro. Puis alors, il y a une autre façon de faire de la nostalgie avec de la photographie d'aujourd'hui, dites-vous, c'est la colorisation. Et c'est la deuxième partie de l'article que vous consacrez dans Terrain à cette question-là. C'est-à-dire que ça n'est plus prendre une photo aujourd'hui avec des filtres qui font que ce sont des photos d'hier, mais c'est prendre des photos d'hier que l'on colorise pour les rendre plus présentes aujourd'hui. Oui, alors c'est très paradoxal parce qu'on se dit que la colorisation du noir et blanc va tuer la nostalgie, puisque le noir et blanc, c'est évidemment le marqueur du funeste, du révolu. Et paradoxalement, quand on interroge les gens, quand on fait des entretiens, quand on lit les blogs sur cette pratique de la colorisation, qui encore une fois est très récente. Parce que la grande vertu de ces sites et de ces applications, c'est que les gens votent pour savoir si la photo leur plaît. Et souvent mettre des commentaires pour expliquer pourquoi la photo leur plaît. Le grand public qui va sur ce genre de site peut, d'une certaine façon, de façon presque démocratique, expliquer pourquoi une telle ou telle photo lui inspire tel ou tel sentiment. Et dans ces commentaires, il y a souvent ce mot de nostalgie. Oui, effectivement, sur le site reddit.com, qui a un groupe relativement important sur l'histoire et la colorisation des images, on a un système de vote qui permet aux gens de valoriser certaines images. Et les commentaires sur des images qui non seulement sont élues, mais qui sont proposées, donc vous pouvez proposer, chacun peut proposer sur ce site, de demander de coloriser la photo de sa grand-mère, de son père, d'un oncle disparu. Et c'est là qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on fait cadeau de nostalgie et, comme la psychologie expérimentale le montre bien, cette nostalgie provoquée sous la forme d'un cadeau va soigner, va reconstruire les identités. Après, la question, est-ce qu'il faut vraiment construire des identités? Ça, c'est une chose. Mais en tout cas, dans le parcours familial, ça, c'est une pharmacopée contemporaine. Alors, on demande à d'autres de le faire. Il y a une question qui revient, et là, vous l'avez noté pour l'un d'entre eux. Quelqu'un peut-il coloriser, peut-il réparer? D'ailleurs, les deux mots sont côte à côte. Mon grand-père, il est mort la semaine dernière. C'est tout. Mais non, c'est vrai, c'est quand même étonnant, c'est ce genre de remarques. Ça veut dire que on vient, comme un cadeau, prendre cette photo-là, qui est une photo en noir et blanc, pour la rendre plus présente aujourd'hui, et la donner à quelqu'un d'autre, souvent, sa mère, son frère, etc., etc. Oui, c'est une pratique qui est assez troublante, puisqu'a priori, en colorisant, on fait disparaître la distance entre soi et le sujet, mais c'est précisément de rendre vivant une image de quelqu'un qui est mort qui va donner cette force d'empathie. Gabriel Houbre, vous qui êtes du spécialiste de la fin du 19e, on faisait déjà ça avec la photo 19e, vous n'avez pas travaillé particulièrement sur cela, mais les spirites, les photos de fantômes que l'on met, que l'on surajoute aux personnages contemporains. Vous n'avez jamais regardé ça de près, puisqu'on a beaucoup photographié les prostituées à l'époque, ça fait partie de l'exposition. Mais on a aussi à côté, quelquefois, pas dans cette exposition, mais cette pratique très particulière de faire surgir les fantômes du passé à côté des vivants, comme s'ils étaient encore côte à côte. Et ça pourrait être une sorte de parallélisme des formes. Écoutez, franchement, je suis restée entre la prostitution et la pornographie, mais je vois avec plaisir qu'il y a d'autres champs du possible et il va falloir que je m'en préoccupe. Alors, Christine Langlois, ce numéro sur la nostalgie ne possède pas que cet article de Gilles Bartolins que nous avons convié, évidemment, parce qu'il était historien. Et il y a donc également quelque chose autour du pain au levain, par exemple, et cette pratique industrielle de recréation, pourrait-on dire, du passé par le goût, et bien d'autres sujets. Oui, tout à fait. Donc cet article d'Olivia Anger sur la chaîne Le Pain Quotidien, qui a un énorme succès, pas tant en France, je crois, mais dans beaucoup de pays, puisque là, c'est un rapport entre commémoration du passé et expérience sensitive, donc le goût du pain, la grande table commune, où on peut rester des heures, le bol de café au lait, etc. Il y a un article de Michel Bossan sur l'importance des langues, en l'occurrence l'arabe, dans le rapport nostalgique au passé. Pour les Juifs d'Égypte. Voilà, pour les Juifs d'Égypte exilés en France, le rapport entre arabe et français. Il y a un article de Emmanuel De Vienne et Sophie Moiroux sur les toiles d'un peintre indien d'Amazonie, Amatiwana Trumai, qui produisent autant qu'elles expriment la nostalgie, puisqu'il y représente à la fois la société et les rituels tels qu'ils voudraient qu'ils se déroulent encore, telle qu'il se déroule. Parce que la nostalgie, ça ne touche pas, comme on l'a longtemps cru, que l'espace européen post-romantique et les soldats de retour de guerre dans le 19e siècle combattant, par exemple. Ça touche, comme vous le montrez dans ce numéro, toutes les sociétés. Bien sûr, à partir du moment où il y a eu des ruptures dans ces sociétés, il y a une espèce de vision nostalgique d'un passé d'avant. Il y a une mise à distance du passé avec parfois une nostalgie qui s'exprime ou qui est utilisée à d'autres fins, comme l'avait montré Olivier Anger dans un précédent article sur les Andes. C'est Brignatin. Mais la nostalgie, David Berliner le précise dans son introduction, c'est une pratique plutôt qu'un objet, puisqu'elle change de, elle évolue selon le contexte des sociétés et le contexte temporel dans lequel elle s'exprime. Oui. C'est pas un objet en tant que tel, voilà. Bien répertorié. Non, c'est une pratique avec des manifestations très diverses dans des domaines aussi divers que le nationalisme, le consumérisme, le tourisme, l'écologie, voilà, la politique. Et les usages commerciaux de cette nostalgie, parce que ce que nous expliquait Gilles Bartholin, c'est qu'en fait, certains ont compris qu'il y avait une puissance économique qui pouvait se nicher derrière la puissance évocatrice et émotive de la nostalgie, Gilles Bartholin. Oui, il y a un marché de la nostalgie, voire une marchandisation de la nostalgie. Et vous évoquiez la question de la pratique. En effet, maintenant, c'est une pratique. En tout cas, nous la considérons comme telle en sciences sociales, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'était souvent un sentiment régressif, une délectation morose. Maintenant, en effet, et la grande vertu, je pense, de ce numéro, c'est d'avoir considéré non seulement les dimensions positives de la nostalgie, mais pragmatiques. Oui, parce qu'il y a des dimensions performatives, oui. Matérielles. Il y a de la culture matérielle. C'est pas simplement du voir ou du regard, il y a des festivals du vintage, en l'occurrence. Mais ça sous-entend aussi que c'était un objet avant que s'appropriait plutôt des sciences comme la philosophie ou... Comme la médecine. La psychologie. La psychologie. Liée à la mélancolie à une certaine époque. Voilà. Mais maintenant, oui, c'est oui, beaucoup... effectivement, la nostalgie étant une mélancolie orientée vers le passé, on a... tout intérêt à l'étudier dans ses dimensions pratiques et plus seulement représentationnelles. Et donc, dans ce même numéro de terrain, on trouvera également un article sur l'Angola du Nord et les mémoires plurielles et contestations politiques dans cette région. Et puis, un travail autour de l'esthétique de la nostalgie dans l'œuvre d'Orhan Pamuk, mais ce n'est pas seul, puisqu'il y a aussi cette fameuse partie repère, qui était donc une sorte de façon de parler d'autre chose, et où on signe dans ce très beau numéro, à la fois Elisabeth Claverie, Maurice Bloch, William Christian et Amira Mittermeier, et Anne-Christine Taylor. Et puis, pour la fin, il y a tous ces petites couvertures, les couvertures refusées, on se croirait chez Charlie Hebdo. Voilà, évidemment, c'était un clin d'œil à Charlie. Les couvertures refusées de l'équipe graphique, donc pour ce numéro de Nostalgie, très beau numéro de plus de 200 pages de la revue Terrain, donc numéro 65. Merci à vous, Christine Langlois, merci à vous, Gilles Bartholin, d'être venu nous la présenter, en espérant effectivement que cet appel pourrait être entendu et qu'on aurait d'ici quelques temps peut-être un nouveau terrain à parcourir. Merci encore. Merci à vous. Merci. Une grisette mignonne est une aimable personne qui doit faire sans façon le bonheur d'un beau garçon. Si vous êtes fraîche et belle, si Dieu vous a faite telle, n'est-ce pas pour le désir, n'est-ce pas pour le plaisir? Ah, mignonne, mignonnette, ne faisons pas notre tête, les grands mots, les embarras. Voyez-vous, cela n'est pas l'affaire d'une grisette. Un baiser pour la grisette, ce n'est rien qu'une amusette. Quand on lui dit je le veux, elle doit en donner deux. Les trésors qu'elle possède, sans compter, elle les cède. Auprès d'elle, être amoureux, cela veut dire être heureux. Ah, mignonne, mignonnette, ne faisons pas notre tête, les grands mots, les embarras. Voyez-vous, cela n'est pas l'affaire d'une grisette. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une fabrique de l'histoire qui cette semaine traitera de la prostitution et en particulier de la prostitution au 19e siècle. Pour en parler avec Séverine Niattard et avec nous, Gabriel Houbre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça doit faire plaisir quand on est spécialiste comme vous de cette histoire de la prostitution au 19e siècle de voir une grande exposition qui lui est consacrée, de se dire tout compte fait, tout le travail que j'ai mené depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, ben, il va trouver... Vous y allez, là. Emmanuel Laurentin, plusieurs dizaines d'années. Ben oui, mais au-delà de un, ça fait plusieurs, en l'occurrence. Et donc, ce travail-là, mené ainsi, eh bien, il trouve une sorte d'aboutissement face à un grand public. C'est ça qui est intéressant. Vous avez participé au catalogue, vous avez ce gros numéro qui est une sorte entre revue et livre collectif à l'occasion de cette exposition où beaucoup de travaux de recherche sont présentés, dont les vôtres, Gabriel Houx. Tout ça, ça doit faire plaisir, non ? Pour être franche, c'est pas la notion de plaisir qui a été la première quand j'ai appris ça. C'est l'étonnement, en fait. J'étais très surprise que le musée d'Orsay, vénérable institution s'il en est, se lance dans cette exposition. Et c'est vrai que j'ai eu un petit point d'interrogation en me disant « il y a eu SAD, maintenant on passe à la prostitution ». Et j'ai été rassurée extrêmement vite par mes deux complices, Isolde Plutermacher et Marie Robert. Donc j'ai vu qu'effectivement c'était... Une façon un petit peu nouvelle quand même de concevoir des expositions au musée d'Orsay, des entrées comme ça thématiques. Et c'est là que je me suis dit, eh ben, voilà, ça c'est... Ça vaut le coup. Oui, c'est une chose intéressante et j'ai eu vraiment énormément de plaisir à travailler avec elle. Et j'ajouterai aussi Annie Dufour qui est la responsable des publications et qui a vraiment accompagné... Ce MOOC, hein, comme on dit. Qu'est-ce que c'est qu'un MOOC, alors? Un MOOC avec un K, parce qu'il y a aussi les MOOC avec un C, et ouais, qui sont des cours en ligne pour aller vite. Et alors là, c'est en fait un intermédiaire entre la revue et le livre. Hein. Et c'est vraiment exactement ça. Et il y a eu beaucoup de soins qui a été donné à l'objet, avec une belle maquette. Hein. On n'a pas trop l'habitude dans les éditions universitaires. Voilà, on n'a pas du tout l'habitude. Avec une jaquette qui fait poster, même, si vous voulez la déplier. Avec un visuel... moi que j'aime beaucoup, hein, qui joue des contrastes de la peinture et de la photographie. Voilà, et donc on est parti dans cette exploration un petit peu nouvelle, non pas de la prostitution, parce que si vous avez bien regardé, le catalogue en fait traite de la prostitution au singulier, et nous avons choisi en fait de mettre prostitution avec un S. Oui, mais comme toujours, ben, vous les chercheurs, vous savez bien qu'on parle des prostitutions. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être s'étonner que justement l'exposition n'ait pas suivi peut-être par rapport au catalogue cette problématique des prostitutions plurielles, des activités, des pratiques, des personnes, des lieux. Alors c'est vraiment l'idée, nous, dans le MOOC, on a vraiment voulu insister sur la pluralité des approches. Alors on a, de ce fait, réuni des jeunes chercheurs, des moins jeunes, des gens qui viennent de spécialités vraiment différentes, puisqu'il y a un noyau d'historiens, d'historiennes et d'historiens, d'historiennes de l'art, ce qui n'est pas du tout la même discipline. Et puis également des spécialistes de la photographie, des spécialistes de la musique, des spécialistes du cinéma, une psychanalyste, des sociologues, des littéraires. Voilà, donc on avait vraiment voulu ça. Puis aussi des différences de sensibilité, hein, des différences d'approche. Ce qui est important dans un sujet comme ça, qui souvent est assez entraîne des réactions parfois un petit peu polémiques. Hein. Aux partisanes, en fait, parce que c'est un petit peu la problématique de ce sujet, qu'on rencontre souvent au XXe siècle, peut-être moins pour le XIXe, mais... pour ou contre la prostitution, abolitionnisme, réglementarisme? Alors si, en fait, puisque le, bon. le 19e est quand même la grande époque du réglementariste qui est aujourd'hui terminée en France depuis 1946 avec la loi Marthe-Richard. Donc il y a eu les grands débats entre les abolitionnistes, les prohibitionnistes et les réglementaristes. Effectivement, c'est quand même une des grandes affaires du 19e. Mais nous, on a voulu un petit peu sortir de ça parce que faudrait pas non plus figer ces approches de la prostitution à ce débat. Et il nous a semblé en particulier très important de donner le plus possible la parole, pas tellement la parole directement, mais en tout cas de s'intéresser vraiment aux principaux acteurs et actrices, hein, c'est-à-dire les prostituées elles-mêmes, hein, et eux-mêmes. Eux-mêmes, oui, voilà. Puisqu'il y a un article de Régis Revenin sur la prostitution masculine. Justement, hein. il faut citer les noms de tous ceux qui participent à ce MOOC, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, avec vous, donc Michel Bozon, Myriam Boussaba, ou encore Régis Revenin, Christelle Tarot, Mathilde Leichelet, Mathias Auclair, Mireille Dotin-Orsigny, etc., etc., Geneviève Cellier, Sylvie Omnas. C'est un livre très, très riche autour de ces questions-là. C'est aussi une façon pour un universitaire et une série d'universitaires, de toucher un public aussi peut-être plus large à l'occasion d'une grande exposition, ça fait appel d'air et on se dit, ben, on va mettre ça devant la sortie de l'exposition, en même temps que le catalogue et d'une certaine façon les travaux de pointe, on peut le dire, que vous menez avec tous ceux qui sont dans cet ouvrage, vont peut-être trouver un public un tout petit peu plus large que dans les revues qui sont spécialisées par exemple. Alors ça vous avez raison et c'est une volonté, on a voulu en particulier donner un espace de liberté à ces auteurs, c'est-à-dire de sortir aussi un peu du carcan universitaire qui recherche l'érudition. Alors c'est bien aussi, hein, je ne pose pas le problème en termes antagonistes, hein, c'est important aussi. Vous allez aussi, voir hein. Vos collègues vous écoutent. Non, sinon. Non, mais j'ai fait le catalogue qui, de ce point de vue-là, est beaucoup plus j'allais canonique. Dire, voilà, bon, exactement. Mais là, l'idée d'Isolde et de Marie, et j'ai adhéré à leur projet immédiatement, était justement de casser un petit peu les codes traditionnels universitaires. Et donc, voilà, c'était de dire aux gens, eh ben, écoutez, vous travaillez là-dessus, formidable, qu'est-ce que vous avez envie d'écrire ? Donc, c'était de les laisser choisir, en fait, leur problématique, leur approche. Et puis, on a essayé de leur dire, faites-vous plaisir, essayez de trouver une écriture aussi qui permette de toucher un plus grand nombre. Et c'est comme ça que, par exemple, on a des articles qui sont un petit peu plus personnels. Par exemple, celui de Daniel Grozhnowski est un article où on voit affleurer à la fois l'universitaire qu'il a longtemps été, j'allais dire presque l'écrivain, mais aussi l'homme. Hein. Il se met en scène lui-même, même avec sa compagne à un moment dans son article. Et vous-même, vous vous intéressez à Madame Gauthier, visible les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de midi à 6h dans une adresse qui est la sienne, à savoir le 2 rue Véronèse, dans le quartier des Gobelins. Oui. Et vous racontez, comme vous l'avez fait pour d'autres, cette longue histoire d'une sorte de prosopographie de ces personnages-là. C'est-à-dire que vous les avez suivis dans les archives de police, vous savez d'où ils viennent, ce qu'ils sont. Et grâce à cette surveillance policière qui est quand même très forte à l'époque, vous finissez par nous raconter leur histoire. Une histoire qui est faite de chaos, d'interruptions, de redémarrages et de prostitution, soit occasionnelle, soit définitive, à un moment ou à un autre. Oui, là, en fait, je suis partie de la fameuse carte de visite, hein, qui est un objet quand même assez insolite. Hein. Alexandre Dupuis, dans le MOOC, justement, est un de ces... alors, il ne dit pas collectionneur, c'est un archiviste, archéologue et historien des mœurs, comme il se définit lui-même, qui a trouvé lui-même pas mal de ces cartes de visite utilisées par des prostituées. Donc là, il a l'air de dire que les siennes, qui sont d'ailleurs à l'exposition, enfin, pas mal, y sont... viendrait des maisons closes. Alors, moi, celle que j'ai trouvée, elle était dans un rapport de police, effectivement, et ce qui était vraiment intéressant, c'était le terme de « visible ». Qui veut dire beaucoup et qui est quand même assez étrange. C'est ce que vous avez déployé dans l'article, d'ailleurs. Dans l'article, ça m'a vraiment interpellée. Alors effectivement, ça c'est une femme exceptionnelle puisque elle a été soupçonnée. J'en parle le terme de soupçonnée vraiment à bon escient ici parce que c'était évidemment stigmatisé quand même largement au XIXe siècle, soupçonnée d'être hermaphrodite et de fait elle est considérée comme telle au 19e, mais soupçonnée surtout d'avoir usurpé un sexe qui n'était pas le sien, puisque quand elle a été jeune, elle a été en fait vue déjà une première fois par des médecins alors qu'elle avait atterri, la pauvre vagabonde, a dit la police, donc elle a été enfermée à Saint-Lazare. Et là, un médecin a détecté chez elle des organes génitaux atypiques. Hein. Anormaux, disait-il. Moi, je dirais simplement que c'était une variation du système génital. Et à partir de là, voilà, elle est visible. En fait, c'est les médecins les premiers qui l'ont placée au centre des regards. D'abord, des regards dits scientifiques, mais la pureté de ces regards est aussi à questionner quelque part. Hein. Et c'est intéressant de voir que par la suite, dans son parcours de femme, puisque de fait, voilà, donc elle se marie. En fait, les médecins se contredisent comme très souvent sur les questions d'hermaphrodite au XIXe siècle, et donc une seconde salve de médecins désavoue les premiers et donc finissent par dire que non, finalement, c'est bien une femme. De fait, elle vit en femme, elle se marie. Certes, elle n'a pas d'enfant, mais elle se marie. Elle semble d'ailleurs assez heureuse en ménage, et elle ne se met, si je puis dire, à la prostitution qu'à la mort de son mari, et très vraisemblablement pour des raisons économiques. Et de ce point de vue, c'est un article qui a des similitudes, enfin qui rejoint celui de Clyde Plumosi, mmh. hein, c'est-à-dire sur la prostitution très occasionnelle et très temporaire, qui est une prostitution auxquelles des femmes qui ont déjà un état, disait-on sous la Révolution, un métier, une activité professionnelle, salariée, va-t-on dire, peuvent en plus avoir recours à la prostitution pour avoir un revenu complémentaire. Et c'est vraiment une approche là assez économique. Et donc cette carte de visite, visible les mardis, mercredis, jeudi et vendredi de midi à 6h, vous dites effectivement cette façon de qualifier le rendez-vous dit quelque chose de ce rapport à celui qui viendra, client ou cliente qui viendra la voir. Alors cliente, j'aurais bien aimé, mais mais non, c'est vraiment que des clients, il semble-t-il en tout cas. Et non, alors c'est une carte vraiment intéressante parce qu'elle mélange en fait les codes traditionnels de la carte de visite, par exemple le fait qu'on ne donne que son nom et on inscrit madame, alors que pour les hommes on met juste l'initiale et on met le prénom. L'adresse normalement, c'est l'adresse des hommes. Justement, les femmes, c'est beaucoup plus laconique, on ne met pas d'adresse. Ou justement, quand ces femmes ont une activité professionnelle, mais alors dans ces cas-là, ça veut dire qu'on n'est pas dans les élites, puisque les femmes des élites ne travaillent pas. Donc déjà, ça, c'est un petit peu intriguant. Et puis ensuite, les mardis, mercredis, jeudi et vendredi, alors on sait que les femmes de la bonne société ont un jour de réception, oui, mais là, ça faisait quand même beaucoup. En plus, les femmes ne reçoivent jamais avant 3-4 heures. Donc là, c'est à partir de midi jusqu'à 6 heures, ça commence à faire long. Et puis c'est surtout ce terme de visible qui était fascinant. Et puis, on voit bien aussi, Gabriel Loup, que vous cheminez à la découverte de cette Madame Gauthier grâce aussi aux archives de police, qui sont une mine pour tout ce qui concerne les études sur la prostitution. Puis d'ailleurs, vous les aviez déjà expérimentées, je pense notamment dans le livre des courtisanes, vous aviez dépouillé un fabuleux registre. C'est d'ailleurs, j'avais trouvé son nom, mais j'avais pas beaucoup travaillé en fait sur elle, parce qu'il y en a tellement que je ne pouvais pas. Mais alors là, c'était vraiment l'occasion de faire une étude de cas, comme on dit. Et effectivement, il y avait un rapport, et puis il y a aussi donc des archives médicales sur elle. Et c'était intéressant parce que elle a dépassé le stade du peuple, et donc ça veut dire qu'il y a plus d'archives. Donc j'ai pu aussi trouver un inventaire après décès, parce qu'elle avait quand même quelques biens. Voilà. Comme elle avait exploité avec son mari un garni, il y avait aussi quelques archives. Donc ça m'a quand même permis d'avoir une petite idée quand même de son parcours, qui est vraiment un parcours très intéressant. Et ce qui est amusant, c'est que vous disiez tout à l'heure que vous avez demandé à chacun des auteurs d'avoir une écriture plus libre qu'on a habituellement dans les publications universitaires. Vous-même, vous êtes un peu amusé à propos d'une d'entre elles, l'anglaise Anna Wild. Vous dites qu'elle est née en 1647 dans le bien nommé comté de Middlesex. Eh bien oui, puisqu'elle est elle-même intersexe, hermaphrodite, considérée comme ça. Ça, c'est amusant. Ça, on ne l'aurait peut-être pas écrit dans une revue. Aussi. Si je l'aurais écrit, je pense, de la même façon. Mais c'est vrai que on s'autorise davantage en fait à rentrer comme ça dans un parcours de vie, dans ce genre de publication. Alors donc tous ces auteurs ont travaillé pour ce numéro, ce MOOC-là. Vous-même, vous avez travaillé pour le catalogue et vous avez scindé, Gabriel Loubre, votre travail de façon différente. Vous avez mené votre travail de façon différente pour l'un et pour l'une et pour l'autre des publications. Et oui, parce que pour le catalogue, j'ai été embauchée avec un cahier des charges, donc je devais faire la fameuse contextualisation qu'on aime bien demander aux historiens, ce qui d'ailleurs est assez logique. Donc j'ai voulu, dans cet article du catalogue, faire quand même quelque chose qui me tenait à cœur et qui, je pense, n'avait pas encore été fait, en tout cas pas en histoire, qui était de donner une vision assez globale, déjà des prostitutions, dans ma tête, et qui était donc à la fois de parler des types de prostitution soumises, insoumises, etc., au XIXe siècle, mais aussi de parler déjà des prostitutions périphériques et les prostitutions homosexuelles, et aussi de faire le lien avec la pornographie. Sous ça, je pense que c'est une des très bonnes choses de cette exposition, que d'avoir assumé ce lien qui est étymologique, hein, puisque le pornographe, c'est un écrit sur la prostitution, hein, depuis Aristide de la Bretonne, et d'avoir assumé ça pleinement. Et donc, voilà, mon idée, c'était plutôt que de faire ce qui a lieu d'habitude, c'est-à-dire, voilà, il y a des spécialistes de l'homosexualité qui parlent de la prostitution homosexuelle. homme ou femme, puisqu'il y a aussi un article de Sandra Beringer sur prostitution et surtout sur les clientes femmes, hein, ce qui intéresse également, même si c'est dans les représentations et dans l'œuvre de Lucien. Moi, j'ai voulu rassembler dans un même article un petit peu toutes ces prostitutions, parce que je suis très attachée à la pluralité justement du milieu prostitutionnel, parce qu'il me semble que on est un petit peu dans une impasse et on continue à réfléchir en termes de prohibitionniste, abolitionniste et réglementariste. Je pense qu'il faut sortir de cette alternative. En tous les cas, ça donne à voir le dynamisme aussi quand même des recherches dans ce domaine-là. Et là, je suis moi très, alors là c'est l'enseignante universitaire qui parle, je suis très heureuse de voir qu'il y a une nouvelle génération, garçons et filles d'ailleurs. Vous avez parlé de Lola González Quirano, il y a aussi Yagos Colliopanos, Clyde Plumosil aussi. Qui sont vraiment, sur la Révolution française. Ils ont tous beaucoup de talent, ils font leur thèse ou leur master sur cette question-là. Et ils revisitent vraiment de façon extrêmement intéressante cette thématique. Problématique. Voilà, de la prostitution. Par exemple, Lola travaille beaucoup sur l'inscription dans l'espace urbain. Qu'est-ce qu'elle fera demain avec la balade qu'elle a menée. Yagos, lui, s'est vraiment beaucoup intéressé aux écrits. Et on tenait justement à ce que l'expression même de ces prostituées, de ces courtisanes qui a été dévalorisée, bien entendu, ça va de soi. Il travaille là-dessus. Et puis également. Sur la photo aussi, oui, sur la littérature. Absolument, tout à fait. Enfin, il y a vraiment des approches économiques, culturelles, plus sociales. Enfin, il y a vraiment des approches extrêmement différentes de cette question. Et ça vous apparaît comme une sorte de petite, entre guillemets, évidemment, révolution historiographique que d'avoir toutes ces approches mélangées, toutes ces approches et ces ponts entre histoire et histoire de l'art qui sont faits à l'occasion de cette exposition, mais aussi de voir effectivement que tous les aspects culturels, économiques, représentations, etc., peuvent être mélangés pour pouvoir justement donner une nouvelle vision de ce qu'était la prostitution au 19e siècle, Gabriel Loup. Révolution, on va peut-être laisser de côté. J'ai moi-même mis les guillemets. Oui, mais ça s'entend pas tellement, les guillemets. Donc moi, j'utiliserai pas le terme de révolution, mais il me semble quand même que c'est un ouvrage qui apporte quelque chose de neuf par ses approches extrêmement différentes et en particulier par la rencontre entre l'histoire de l'art quand même et les sciences humaines et sociales. Là, il me semble quand même qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis aussi sur la variété des supports qui nous permettent de nous emparer de cette question. Là, il y a vraiment des choses. Et on voit bien ça aussi dans l'exposition, justement la question de la photographie. Il y a un fond en fait très très important. Une des choses que j'aime vraiment beaucoup dans cette exposition et qui est très réussie, c'est d'avoir mis non seulement des photographies, des peintures, mais également du mobilier. Cette chaise d'amour par exemple qui trône, et bon, on s'interroge beaucoup sur l'art et la manière de s'en servir. Ça va pas de soi. il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Alors demain, nous continuons cette semaine avec vous, Séverine Attard, et vous allez nous conduire avec Séverine Casarelola González Quirano dans le Paris du 19e siècle, justement, l'inscription de la prostitution dans l'espace urbain. Voilà, dans les lieux, c'est un peu l'objet de la thèse de Lola González, thèse qu'elle a publiée chez Vendémiaire l'année dernière. Et donc un extrait de ce documentaire. Ah, c'est ainsi. Les comédies de ce siècle vivent de Lorette et de Jean Taré. On met en scène tous les scandales de la rue et des livres. On défigure la vie, les mœurs, l'honneur, la vertu, sous prétexte de littérature. Ils en sont venus, ces prétendus dramaturges, jusqu'à spéculer sur la réputation scandaleuse de telle ou telle Lorette. Ils mettent en scène son nom, ses toilettes, ses amants, et ils arriveront à lui faire jouer par elle-même, ainsi que cela se pratique au théâtre des délassements comiques, le rôle pour lequel elle aura posé. Il ne s'agit pas uniquement de raisons économiques pour que la prostitution soit à ce point liée à la vie artistique et littéraire de Paris. On se rend compte qu'il est important pour un client, et notamment pour un client de la bonne société, d'avoir une maîtresse et une femme galante qui soit à la mode, qui fascine ses pairs. L'exemple le plus courant, c'est d'avoir effectivement une femme qui a eu une nuit avec l'empereur sous le Second Empire, mais quand ceci n'est pas possible, on a pour maîtresse une actrice célèbre. Sous la monarchie de Juillet, le théâtre est particulièrement important Et donc, les grandes courtisanes sont des actrices. À la fin de la monarchie de Juillet, ce sont les bals. Et là, les grandes courtisanes sont des grandes danseuses. Ça se prolonge au début du Second Empire. Et donc, la fréquentation des courtisanes est un loisir. Et à ce titre-là, il a ses modes et il s'imbrique dans la vie parisienne et les loisirs de cette société. Voilà un extrait du documentaire qu'on pourra entendre demain. Voilà, nous étions au Bouffe Parisien, voilà, avec Lola González, pour terminer un petit peu la balade, pour traiter vous passerez des questions du théâtre. Vous passerez du Palais Royal au Grand Boulevard, en l'occurrence. Au Grand Boulevard, à la descente jusque le boulevard Haussmann. Mmh. Parce qu'à travers les lieux, évidemment, on traite avec Lola González des types, évidemment, de prostitution. Les prostitutions au pluriel. Des courtisanes, les alfateuses, des semi-bourgeoises, voilà. Mercredi, nous serons dans l'exposition, en compagnie de Marie Robert et de Isole Ploudermacher. Et donc, Gabriel Oubre, vous voulez signaler qu'il y a un lien bibliographique très intéressant que nous mettrons sur notre site, oui, et qui est proposé justement par l'exposition. Et qui permet justement le musée d'Orsay. Oui. Et qui permet de voir un peu tous les ouvrages qui sont parus. Absolument. Sur ce thème-là. Et puis, jeudi, on débattra des opposants, voilà, à cette prostitution. Au XIXe siècle, alors qu'il s'agit de la police, des réglementaristes, des abolitionnistes, avec Yannick Ripa, Jean-Marc Berlière, et puis Frédéric Regard qui a travaillé sur l'Angleterre. Merci Gabriel Oubre d'être venu en ouverture de cette semaine. Plaisir. Et puis merci à vous Gilles Bartholin, et merci à vous Christine Langlois d'être venu présenter en première partie de cette émission le dernier numéro de la revue Terrain, numéro 65, consacré à la nostalgie. Signalons un colloque, Images et imaginaires de la prostitution au XIXe siècle, qui est lié justement à cette grande exposition du musée d'Orsay, les jeudis 5 et vendredi 6 novembre. Il sera aussi présenté. Et puis la table ronde autour du MOOC également le 3 décembre, toujours au musée d'Orsay. Voilà, donc on trouvera tout cela sur notre site. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Von Abolivier et Aurélie Marcé. Jacques Hubert était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter La Fabrique de l'Histoire pendant 1000 jours après sa diffusion, la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion. Et puis également, discuter avec nous sur le groupe de La Fabrique de l'Histoire, sur le groupe Facebook de La Fabrique de l'Histoire, ou laisser vos commentaires sur nos pages franceculture.fr.